jette un souvenir qui éveille en moi de vains soupirs. Si j'avais pu prédire le pire, je referais tout pour pouvoir te fuir. Nous étions les rois de la scène, l'un de nous deux tenait les rênes. Nous faisions le tour de la terre pour chanter à jamais. De 20 soupirs.